بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 122 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Le ta'liq de Cheikh al-Fawzan du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Et on est arrivé donc au dernier cours, on a terminé d'expliquer différents miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, inshallah, on commence à expliquer certaines des karamat des sahaba. Et ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il en a énuméré un certain nombre. Donc on va lire ça. Et puis ensuite, on va continuer, il va donner des exemples par la suite des paroles des salafs par rapport au karamat des tabi'in et des tabi'at tabi'in et ainsi de suite. Naam, donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit maintenant wa qissatu as-siddiq fi as-sahihayn lamma dhahaba bi thalathati adyaf معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا وخبيب ابن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة. Donc, ici, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il a commencé par mentionner l'exemple de Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, qui est rapporté dans As-Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim, lorsque il a ramené trois invités chez lui, dans sa maison, et ils ont commencé à manger. Et à chaque fois qu'ils mangeaient une bouchée, eh bien, ils constatait que la nourriture, au lieu de diminuer, elle augmentait. Et donc, ils ont réussi à nourrir tout le monde jusqu'à ce que tout le monde mange à sa faim. Et donc, à la fin, il y en avait plus que ce qu'il y en avait au départ. Alors, Abu Bakr radiallahu anhu et son épouse ont regardé le plat et ils ont vu que il y en avait donc beaucoup. Alors, ils ont ramené l'affaire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, beaucoup de gens sont donc venus, un grand nombre de personnes sont venues pour manger de cette nourriture et pour partager de cette nourriture, et tout le monde a été rempli, tout le monde a mangé son plein. Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, « هذه أيضا لأبي بكر رضي الله عنه أنه ذهب بثلاثة أضياف وليس عنده إلا شيء قليل فبارك الله في طعامه فصار لا ينقص بل يزيد كلما أخذوا منه زاد حتى أخذوا بقيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منها وأكل معه ناس كثيرون هذا من تكثير الطعام وهذه كرامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. Donc Cheikh Al-Fawzan, il explique que ici Abu Bakr رضي الله عنه avait ramené trois invités et il n'avait pas beaucoup de nourriture chez lui, mais Allah a mis la baraka dans cette nourriture. Et donc, elle ne diminuait pas, et au lieu même de diminuer quand il mangeait, ça augmentait. Alors, ils ont tous mangé de cette nourriture, et il y en a eu plus. Il y a eu un surplus, alors ils ont ramené le reste au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il en a mangé, ainsi que beaucoup de gens avec lui. Et ça, c'est un exemple d'augmentation de la nourriture. Et c'est une karama de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Il dit ensuite à propos de Khabib ibn Adi, que Khabib ibn Adi avait été pris en prison, avait été fait prisonnier par les mouchriquins à Mecca. Et yani, on trouvait auprès de lui toujours des raisins. Près de lui, on trouvait des raisins alors qu'il n'y avait pas de raisins à Mecca. À cette époque, il n'y avait pas de raisins à Mecca. Alors les gens étaient surpris de voir ça auprès de lui. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, « وَهَذَا Khabib ibn Adi » radiyallahu anhu asarahu al-mushrikun wa dhahabu bihi ila Mecca wa dafa'uhu ila jama'atin min ahli Mecca kana Khabib qad qatala abahum dafa'uhu ilayhim fa habasuhu wa sajanuhu wa lam yakun 'indahu ta'am fa kana yu'ta bil 'inab fi sijnihi wa laysa fi Mecca عنب معروف أن مكة ليس فيها عنب. Donc ici le cheikh explique que Khabib ibn Adi avait été fait prisonnier par les mouchriquins et ils l'ont ramené jusqu'à Mecca et ils l'ont donné à une jama'a, un groupe parmi les gens de Mecca, et Khabib avait tué leur père auparavant dans la bataille. Alors, eux, ils ont voulu se venger de lui. Alors, ils l'ont emprisonné. Ils l'ont emprisonné et il n'avait pas de nourriture. Mais à chaque fois, il trouvait des raisins dans sa cellule, dans sa prison. Alors qu'à Mecca, il n'y avait pas de raisins à cet endroit-là. Donc, ça fait partie des karamates. Ça fait partie des karamates. Un autre exemple, le cheikh il dit وعامر ابن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه وكان لما قتل رفع فرآه عامر ابن الطفيل وقد رفع وقال عروة فيرون الملائكة رفعته. يعني donc ici un exemple. Il y a un exemple qui est mentionné ici à propos de yani, Amir ibn Fuhayra. Il a été tué shahid, il est mort martyr. Et ils ont cherché son corps, ils ne l'ont pas trouvé. Parce que lorsqu'il a été tué, son corps a été élevé. Et Amir ibn Tufayl a mentionné que son corps a été élevé. Et Urwa a dit qu'ils ont vu les anges prendre son corps et l'amener avec eux, et l'élever avec eux, comme c'est rapporté par Al-Bukhari. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, il dit « Amir ibn Fuhayra, هذا مولى أبي بكر الذي كان مع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة وكان عامر ابن الطفيل الخبيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يبعث معه جماعة من القراء ليعلموا جماعة العرب وهدفه من ذلك الغدر والخيانة فذهب معه 70 من أهل الصفة وأوعز إلى المشركين فأحقدوا بهم في منزلهم وقتلوهم رضي الله عنهم وعامر بن فهيرة منهم قتل واستشهد ورأى عامر بن الطفيل الخبيث جثة عامر بن فهيرة ترتفع إلى السماء يعني ترفعها الملائكة ثم إنه لم يعثر له على جثة بعد ذلك بحثوا عنه فلم يجدوه بحثوا عنه فلم يجدوه واستسلمه الملائكة واستلمته الملائكة ودفنته الملائكة فهذا من كرامات الأولياء. Un autre exemple parmi les karamat des sahaba, l'exemple de Amir ibn Fuhayra radiyallahu anhu. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique que Amir ibn Fuhayra, c'était le servant de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et il était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors du chemin, lorsqu'ils sont partis faire la hijra à Médine. Amir ibn Fuhayra, il était avec eux. Et Amir ibn Tufayl, il s'appelle Amir lui aussi, mais ce n'est pas la même personne. Amir ibn Fuhayra et Amir ibn Tufayl. Tandis que Amir ibn Tufayl, c'est celui qui était parmi les kuffars et les mushrikin. Tandis que Amir ibn Fuhayra, c'est lui qui était avec Abu Bakr, c'est le servant d'Abu Bakr et qui a fait la hijra avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Donc Amir ibn Tufayl, c'est un parmi les mushrikin. Et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé de lui envoyer un groupe pour enseigner aux Arabes la religion, soi-disant. Hein. Mais en réalité, c'était une ruse. C'était une ruse parce que yani, il n'avait pas l'intention d'apprendre quoi que ce soit. Il avait seulement envie de les tuer, en fait. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 70 parmi les gens qui ont de la connaissance de la religion et qui mémorisent le Coran. Alors, il les a envoyés aller enseigner la religion. Ils étaient 70 et parmi eux, il y avait Amir ibn Fuhayra. Alors, pendant qu'ils étaient en chemin, eh bien, Amir ibn Tufayl a planifié justement de les attaquer là où ils s'étaient arrêtés pour se reposer et ils les ont tués tous, hein, y compris Amir ibn Fuhayra. Et donc, ils sont tous morts martyrs et il est donc lui-même mort martyr. Hein, Amir ibn Fuhayra est mort martyr et Amir ibn Tufayl, le kafir, le mushrik, il a dit qu'il a vu le corps de Amir ibn Fuhayra s'élever dans les cieux. Hein, c'est-à-dire que les anges l'ont élevé. Et les sahaba ont cherché son corps, hein, sa dépouille, et ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont cherché partout et ils ne l'ont pas trouvé. Hein, parce que les anges l'ont pris et l'ont élevé aux cieux et puis ils l'ont ensuite enterré. Et ça fait partie des karamates. Des sahaba. Un autre exemple, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit: وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. Subhanallah. Donc ici, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne un autre exemple de Ayman qui avait fait la hijra, hein, qui avait fait la hijra et elle n'avait rien avec elle, ni provision, ni eau. Et elle a traversé donc le désert et elle a failli mourir de soif. Elle a failli mourir parce qu'elle n'avait rien à manger ni rien à boire. Et en plus, elle jeûnait, subhanallah. Alors, lorsque vient l'heure de briser le jeûne, hein, elle a entendu un bruit au-dessus de sa tête. Elle a relevé sa tête, elle a regardé et elle a vu comme un seau qui était accroché au-dessus d'elle, dans les airs. Alors, elle a bu de ce seau et elle a été, elle a étanché sa soif et elle n'a plus jamais eu soif de toute sa vie par la suite. Subhanallah. Donc ça fait partie des karamat, encore une fois. Et, Cheikh Al-Fawzan, il résume ça, il clarifie ça aussi. Il dit, Ayman al-Habashiyya, allati ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه وحضنته صلى الله عليه وسلم وتزوجت بيزيد بن حارثة وولدت له أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع خرجت مهاجرة وليس معها شيء فارت بدينها من أهل مكة وليس معها شيء وكانت صائمة فلما حضر الإفطار وليس معها لا ما ولا شيء فأبصرت بدلو معلق بين السماء والأرض فوق رأسها فشربت منه فأذهب الله عنها الظمأ ولم تظما بعد ذلك لبقية حياتها فهذا من كرامات الأولياء وربما يسأل سائل فيقول خرجت ليس معها محرم نقول هذه ضرورة إذا خرجت المرأة مهاجرة هذه ضرورة يعفى عن المحرم لأنها فارة بدينها. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il explique l'histoire donc de Ayman. Et Ayman, elle est éthiopienne. C'est une éthiopienne et c'était une esclave. Hein? C'était une esclave et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait hérité d'elle, de son père. Et elle avait même allaité le prophète, ou bien gardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui s'occupait de lui quand il était bébé. Et par la suite, elle s'est mariée avec Zayd ibn Haritha. Et c'était elle, justement, la mère de Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd, radiyallahu anil jami'. Et elle a quitté la Mecque et elle est partie toute seule. Elle a fait la hijra de la Mecque jusqu'à Médine. Elle n'avait rien. Elle n'a rien avec elle. Elle fuyait pour sa religion. Elle fuyait les gens de la Mecque pour sa religion parce qu'elle craignait pour sa vie, pour sa religion. Alors, elle est partie. Elle n'avait rien avec elle. Ni eau, ni nourriture. Et en plus, elle jeûnait pendant ce voyage entre la Mecque et Médine. Et lorsque est arrivé le moment de l'iftar, elle n'avait rien pour briser le jeûne. Elle a regardé au-dessus d'elle, elle a vu un seau avec de l'eau dedans. Alors, yani, c'était entre le ciel et la terre, imaginez, yani, subhanallah. Donc, elle a pris ce seau, elle a bu, et ça fait partie des karamat, des prodiges, des sahabas. Elle n'a plus jamais eu soif de toute sa vie. Par la suite. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, et quelqu'un pourrait poser la question, comment se fait-il qu'elle est partie de la Mecque, elle est partie, elle a voyagé sans mahram? Et le Cheikh, il explique, il dit que ça, c'est une nécessité. Ça, c'est une nécessité parce qu'elle est sortie pour faire la hijra. Et quand le voyage est une nécessité, alors dans ce cas-là, la femme est excusée de voyager sans mahram puisqu'elle fuit pour préserver sa religion. Un autre exemple que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné, il dit « وَسَفِينَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَخْبَرَ الْأَسَدْ بِأَنَّهُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده سبحان الله. Donc ça c'est un exemple encore. Il dit qu'un des compagnons qui était un des servants du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم qui s'appelait Safina, il mentionne que يعني, il était quelque part, puis un lion qui est arrivé, un lion qui a approché de lui. Et il a eu peur de se faire dévorer par ce lion, mais finalement, il a dit au lion qu'il était le compagnon du messager, ou bien le messager du messager d'Allah. Il avait été envoyé par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le lion, finalement, ne l'a pas attaqué, et même que le lion l'a amené jusqu'à l'endroit où il voulait aller. Subhanallah. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, وهذا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ركب في السفينة خرجت في البحر فهو تعلق في لوح منها حتى وصل إلى جزيرة فخرج في الجزيرة فخرج في الجزيرة فإذا بالأسد والأسد جائع وخشي سفينة وخشي سفينة أن يفترسه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطرق الأسد برأسه ثم جاء يدله على الطريق حتى أوصله مقصده فهذا من كرامات الأولياء. Donc c'est ça ce que le cheikh il explique ici. Il dit que il explique que Safina, qui était le servant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait été envoyé par le messager d'Allah pour quelque chose, pour une mission quelconque. Et là, il a pris donc il a pris un bateau, il est parti, il est arrivé sur une île et une fois arrivé là-bas, il est entré dans l'île et il a trouvé un lion. Et le lion était affamé. Alors, il a eu peur de se faire manger ou attaquer par ce lion. Alors, il a dit au lion, « Je suis le messager du messager d'Allah. » Alors, yani, ça c'est quelque chose d'un peu étonnant parce que on ne s'attendrait pas de la part d'un lion. Hein, ce genre de cette réaction là, hein. Et pourtant le lion a yani, il a fait un signe de sa tête en voulant dire yani, qu'il affirmait ou l'approuvait, hein, de ça, et il lui a indiqué son chemin, quel chemin il devait prendre pour aller là où il devait aller, et il l'a suivi jusqu'à l'endroit où il voulait aller. Et ça fait partie des karamates des awliya. Un autre exemple que le Cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné, il dit wal bara ibn malik kana idha aqsama ala Allah ta'ala abarra qasamahu wa kana al harb idha ishtadda ala al muslimin fi al jihad yaqulun ya bara aqsim ala rabbik fa yaqulu ya rabbi aqsamtu alayka lama man lama منحتنا أكتافهم فيهزم العدو فلما كان يوم القادسية وقال فلما كان يوم القادسية قال أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. Donc ici, dans ce hadith ou bien dans cette narration, on voit que il y a un exemple des karamat encore une fois, et c'est les karamat, une karama de al-bara, un parmi les sahaba qui s'appelait Al-Bara ibn Malik. Et lui, une des particularités de ce compagnon, c'est que lorsqu'il jurait sur Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala faisait que son serment soit exaucé ou bien soit appliqué, c'est-à-dire Il jurait sur Allah de quelque chose et la chose arrivait telle qu'il avait juré par Allah. Donc ça c'est une de ses caractéristiques. Et lorsque la guerre était vraiment difficile pour les musulmans dans le djihad, ils allaient vers Al-Bara et justement ils lui demandaient de jurer sur Allah. Alors Il disait, ô mon Seigneur, je jure sur toi que tu vas nous donner yani leurs épaules et que tu vas faire en sorte que l'ennemi soit battu. Et lorsque est venue la bataille, une grande bataille qu'on appelle Al-Qadisiyah, c'était contre les musulmans et les Perses à l'époque, si je me souviens bien. Et ils sont venus donc demander pour que Al-Bara jure sur Allah. Et effectivement, il a juré sur Allah que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la victoire et qu'il fasse que, il a dit, et que je sois le premier shahid, le premier martyr. Alors ils les ont battus et effectivement il a été tué, il a été le premier martyr. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit, Al-Bara ibn Malik radiyallahu anhu kana rassul hay'a لا يعتني بنفسه وكان من العباد الزهاد الأتقياء وكان إذا أقسم على الله أبر الله قسمه وكان في الغزو إذا اشتد بهم الأمر طلبوا منه أن يقسم على الله أن ينصرهم فينصرون وقد قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ومنهم البراء بن مالك هذا وفي آخر الأمر دعا الله بالنصر للمسلمين ودعا الله على أن يكتب له الشهادة وأقسم على الله الله أجاد دعاءه فنصر المسلمين واستشهد رضي الله عنه وهذا من كرامات الأولياء. Donc Sheikh il explique, Sheikh Al-Fawzan حفظه الله, il explique que البراء بن مالك, c'était quelqu'un qui ne faisait pas tellement attention à son apparence, hein, et à son allure. Et il faisait partie des adorateurs et des gens qui, yani, ne donnent pas une grande importance à la dunya, ou bien ils ne s'attachent pas au bien de la dunya. Il faisait partie des gens qui se préservent d'Allah. Et lorsqu'il faisait un serment sur Allah, Allah subhanahu wa ta'ala faisait que son serment soit véridique. Et yani, dans la bataille, lorsqu'elle était difficile, hein, les musulmans allaient lui demander de jurer sur Allah pour qu'ils aient la victoire. Et Allah leur donnait la victoire. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, « Rubba ash'atha » Hein, dans une narration, il dit Rubba ash'ath akhbar. Ici, il dit Rubba ash'ath madfou'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. C'est-à-dire que c'est possible que quelqu'un soit d'une apparence qui est un peu négligée. Hein, ses cheveux ne sont pas peignés et il est peut-être poussiéreux et tout. Et lorsqu'il vient à la porte de quelqu'un pour demander qu'on le laisse entrer, peut-être qu'il sera repoussé, on ne le laissera pas rentrer. Mais par contre, s'il jure sur Allah, Allah va faire que son serment soit accepté et soit véridique. Donc, parmi les gens qui rentrent dans cette description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Al-Bara ibn Malik. Hein, et effectivement, à la fin de sa vie, il a invoqué Allah pour demander la victoire pour les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné yani, justement la grâce de mourir en martyr. Et il a juré sur Allah. Et Allah a répondu à son invocation. Et il a donné la victoire aux musulmans. Et il est finalement mort martyr, radiyallahu anhu. Et ça fait partie des karamat des awliya aussi. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il donne un autre exemple. Il dit, wa Khalid ibn al-Walid hasara hisnan mani'an faqalu la nuslim hatta tashrab al-sum. يعني فشربه فلم يضره. Un autre exemple ici, l'exemple de Khalid ibn al-Walid. Ils ont assiégé une ville fortifiée. Et la fortification de cette ville était vraiment impénétrable. Et ils ont dit à Khalid ibn al-Walid, c'est-à-dire les gens de cette ville, ont dit, la seule façon que on va se rendre, qu'on va vous laisser prendre la ville, c'est à condition que tu acceptes de boire du poison. Alors, il a bu le poison, hein, et il n'a rien eu. Il a bu le poison et rien ne lui est arrivé. Un autre exemple, Sa'd ibn Abi Waqqas. Donc, on va lire le détail de Cheikh Al-Fawzan sur ça. Donc, il dit, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, al-Faris al-Mashhur, al-Qaid al-Mudhaffar, حاصر حصنا من حصون المشركين فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم. يعني تحدي من باب التحدي. فشربه وهم ينظرون فلم يضره رضي الله عنه مع أن السم يقتل. فهذا من كرامات الأولياء. الشيخ explique que Khalid ibn al-Walid, c'est un cavalier qui est très connu, radiyallahu anhu, et un guide, un chef militaire, qui est vraiment, qui était connu et qui avait de nombreux exploits. Il a assiégé une ville qui était fortifiée pour des mouchriquins. Ils ont dit, on ne va pas rendre la ville ou vous donner la ville jusqu'à ce que tu acceptes de boire du poison. Donc c'était comme un genre de défi. Hein. Alors il l'a bu. Il l'a bu et ils ont regardé et puis finalement, ça ne l'a même pas affecté. Il n'a même pas été affecté par ce poison-là. Alors que le poison, habituellement, ça tue la personne. Et lui, il n'a pas été dérangé par ce poison. Allah. Donc ça fait partie des miracles, hein, des karamat, des awliya. Un autre exemple, il dit, wa Sa'd ibn Abi Waqqas kana mustajab ad-da'wa wa ma da'a qatt illa istujiba lahu wa huwa alladhi hazama junud Kisra wa fataha al-Iraq. Donc le cheikh il explique ici un exemple d'un grand parmi les Sahaba, Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Et lui, Sa'd ibn Abi Waqqas, subhanallah, il était mustajab al-da'wa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il fait une invocation, il est toujours exaucé par Allah. Même que il est rapporté par At-Tirmidhi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait invoqué pour lui, ô Allah, répond à l'invocation de Sa'd lorsqu'il t'invoque. Allahumma stajib li Sa'din idha da'ak. Donc finalement il était mustajab ad-da'wa. Donc il n'y a pas une fois qu'il invoquait Allah pour quelque chose excepté que Allah l'exauçait. Wa huwa alladhi hazama junud Kisra. C'est lui qui a écrasé les armées de Kisra et qui a conquis l'Irak. Et il y a une histoire célèbre à propos de Sa'd ibn Abi Waqqas, à propos d'un homme qui avait menti sur lui justement, qui l'avait accusé de ne pas être juste. Et finalement, Sa'd avait fait un doua contre lui, et il a été frappé par ce doua justement. Et les gens disaient, ah, ça c'est l'homme qui a été frappé par le doua de Sa'd. Un autre exemple de ça est que le Cheikh Ibn Taymiyyah, attends, on va lire l'explication du Cheikh Al-Fawzan. Il dit « وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وكان مجاب الدعوة وهذا من كراماته أنه مجاب الدعوة ما دعا الله بشيء إلا أجاب الله دعوته وهو القائد المظفر الذي قاد القادسية وفتح العراق وهزم كسرى وقيصر. Donc ici, le cheikh, il explique que Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, il fait partie des 10 qui ont été promis au paradis par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il était exaucé dans ses invocations, et à chaque fois qu'il invoquait Allah pour quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala répondait à son invocation, et c'était un grand maître militaire également, et c'est lui qui a conquis l'Irak à son époque dans la bataille de Al-Qadisiyah et qui a écrasé Kisra, le roi des Perses à l'époque, ainsi que les Romains aussi, César. Il dit ensuite un autre exemple, il dit « Wa Umar ibn al-Khattab lamma arsala jayshan amara alayhim rajulan yusamma Sariya » فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل فقدم رسول الجيش فسأل فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا فإذا بصائح يا سارية الجبل يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. Donc ici l'explication, il dit Omar radiallahu anhu avait envoyé une armée à son époque lorsqu'il était le khalifa. Il a envoyé une armée et il a mis à la tête de cette armée un homme qui s'appelait Saria, et alors qu'il était en train de faire la khutba, c'est-à-dire que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était en train de faire la khutba, et il a commencé à crier pendant la khutba, il a commencé à crier « Oh Saria, la montagne, oh Saria, la montagne !» Alors, lorsque l'armée, lorsque le messager de l'armée est venu demander, il a dit « Oh Amir al-Mu'minin, nous avons rencontré un ennemi qui nous a attaqué. » Et là, on a entendu quelqu'un qui criait « Oh Saria, la montagne, oh Saria, la montagne !» Alors, on s'est mis à dos la montagne et on a réussi à battre. Allah nous a donné la victoire sur eux. Donc, ça fait partie des karamates. Malgré que Omar était à une distance très loin, à Médine, et qu'il avait envoyé cette armée-là à un autre endroit, et malgré ça, la voix de Omar a réussi à parvenir jusqu'à Saria. Ça fait partie des karamates. À cette époque-là, il n'y avait pas des radios ou des walkie-talkie ou bien comme on appelle des téléphones ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est un miracle, franchement, qui montre que ça, c'est un exemple de karamat aussi. Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit « وَهَذَا مِنْ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ حَتَّى جَرَتْ عَلَى يَدِ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ جَهَزَ جَيْشًا إِلَى الْمَشْرِقِ فبينما هو يخطب الجمعة على منبر المدينة فإذا صوت فقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل يعني ينادي القائد يا سارية الجبل فسمعوا صوته وهم في المشرق ولجأوا إلى الجبل فحماهم الله وهزموا عدوهم فهذا من كرامات الأولياء أن الله بلغ صوت عمر إلى المسافة البعيدة نفع الله بذلك وهذا من كرامات الأولياء وإلا فالصوت لا يذهب بعيدا ولكن هذا من الكرامات التي هي معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ici, parmi les karamat des awliya, des gens pieux et rapprochés d'Allah, il y a l'exemple de ce qui est arrivé à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a envoyé une armée vers l'Orient, et ils sont partis. Et pendant que Omar était en train de faire la khutba de Jumu'ah à Médine, il a commencé à crier pendant la khutba, « Oh, Saria, la montagne !» Et il s'adresse donc au chef de cette armée, Saria. Et eux qui étaient rendus loin en Orient, ils ont quand même entendu cette voix de Omar. Hein? Et ils se sont donc réfugiés vers la montagne. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés. Et ils ont donc réussi à battre leur ennemi. Et ça fait partie des karamates, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a propagé la voix de Omar jusqu'à cette distance éloignée. Et non seulement ça, il y en a aussi un point qu'on doit aussi mentionner, c'est comment Omar a su dire cette chose à ce moment-là. Hein? Donc ça fait partie des karamates, encore une fois, des awliya. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait ça pour le bien des musulmans à ce moment-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait circuler sa voix de toute cette distance. Et ça fait partie des karamates. Et c'est un miracle du messager, pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un autre exemple, il dit « وَلَمَّا عُذِّبَتْ الزَّنِيرَ » الزنيرة الزنيرة هي زنيرة الرومية مولاة أبي بكر رضي الله عنه كانت ممن عذب في مكة فاشتراها الصديق فلما أسلمت عميت فقال المشركون أعمتها اللات والعزة لكفرها باللات والعزة فرد الله بصرها سبحان الله. Donc, نعم. فَلَمَّا عُذِّبَتْ الزَّنِيرَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ فِي اللَّهِ فَأَبَتْ إِلَّا الْإِسْلَامِ وَذَهَبَ بَصَرُهَا قَالَ الْمُشْرِكُونَ أَصَابَ بَصَرَهَا أَلَّاتُ وَالْعُزَّةُ قَالَتْ كَلَّا وَاللَّهِ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهَا بَصَرَهَا. Donc ici, c'est ça l'exemple. L'exemple, c'est l'exemple d'un autre karama. C'était une des esclaves qui était une esclave roumaine, ou romaine à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle était une servante d'Abu Bakr parce que les mouchriquines la torturaient parce qu'elle était croyante. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il l'a acheté pour la libérer. Et lorsqu'elle s'est convertie à l'islam, elle est devenue aveugle. Alors les mouchrikoun ont dit, ça c'est nos divinités, c'est nos idoles, Allat wal Uzza, qui l'ont rendue aveugle, parce qu'elle a renié la foi en Allat wal Uzza. Et elle a dit, non, certes, ça n'a rien à voir, et par contre, il y en a justement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu sa vue à ce moment-là. Donc, ça c'est un exemple des karamat. Et le cheikh, il dit, cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit, « Wa hada min karamat l'awliya, anna hadihi l'mar'a s'aliha, lamma tamassakat bidiniha, wa sabarat ala adha l'mushrikin, ذهب بصرها قال المشركون هذا مس من اللات والعزة من آلهتهم فقالت رضي الله عنها كلا والله فأعاد الله بصرها بعد العمي فهذا من كرامات الأولياء. Donc le cheikh il répète l'histoire, il explique donc. Ça fait partie des karamas, des awliya, de cette femme pieuse qui s'accrochait à sa religion et qui a été endurante face à l'oppression et à la persécution des mouchriquines. Et par conséquent, donc, elle a perdu sa vue. Les mouchriquines ont dit, « Ah, ça c'est nos idoles qui l'ont rendue aveugle. »« Allat wal-Uzza. » Elle a dit, « Non, par Allah, c'est faux. » Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu sa vue. Et ça fait partie donc des karamat. Un autre exemple que le cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné. Il dit « Wada'a Sa'id ibn Zaydin ala Arwa bint al-Hakam fa'u'miya basaruha لما كذبت عليه فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت. سبحان الله. Donc ici le Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne un autre exemple de karama. Il mentionne que Saïd ibn Zayd, il a fait une invocation contre Arwa, la fille de Al-Hakam. Et elle est tombée aveugle. Elle est devenue aveugle parce qu'elle a menti sur lui. Et donc lui, il avait fait une invocation contre elle. Il avait dit, « Oh Allah, si c'est une menteuse qui a menti contre moi, alors fais qu'elle devienne aveugle et fais qu'elle soit tuée sur sa terre. » Et elle est donc devenue aveugle et elle est tombée dans un puits qui était sur son terrain et elle est morte. Donc ça, c'est un exemple des karamat, encore une fois. Le Cheikh il dit وهذا سعيد Cheikh Al-Fawzan il dit وهذا سعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل ابن عمي عمر ابن الخطاب وأبوه زيد ابن عمر ابن نفيل من الذين هداهم الله في الجاهلية للتوحيد فوحد الله وأنكر عبادة الأوثان وصار له أشعار في هذا في الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك وابنه هذا سعيد ابن زيد من العشرة المبشرين بالجنة وله بستان أو حائط في المدينة وبجواره يعني بستان امرأة فدعت عليه المرأة أنه أخذ شيئا من حائطها يعني فكذبت عليه في ذلك فدعا عليها لأنها كذبت عليه فدعا عليها أن يقتلها الله في أرضها فالله عز وجل استجاب دعوته فأهلك هذه الكاذبة في أرضها بأن يعني أعمى بصرها وسقطت في حفرة وماتت وهذا من كرامات الأولياء. Donc le Cheikh il explique et il dit que Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, c'est ibn Ammi Omar. Ibn Am, c'est-à-dire le fils de l'oncle de Omar. Donc c'est son cousin. Le cousin de Omar ibn Khattab, Saïd ibn Zayd. Et son père, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, fait partie de ceux que Allah a guidés dans la Jahiliya. Il l'a guidé au Tawhid. Et il était parmi ceux qui unifiaient Allah et qui rejetait l'adoration des idoles, et il avait écrit même des poèmes sur cela, et il appelait au tawhid et il rejetait le shirk. Et son fils Saïd ibn Zayd fait partie des 10 qui ont été promis au paradis, et il avait un jardin et un mur à Médine. Et à côté de son jardin, il y avait justement cette femme qui, elle aussi, avait un jardin ou un mur à côté de lui. Et elle a accusé d'avoir pris quelque chose injustement de son mur. Alors, elle a menti contre lui. Alors, il a fait une invocation contre elle en disant qu'elle était menteuse. Et il a invoqué Allah, que si c'est une menteuse, qu'elle meure et qu'elle devienne aveugle. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à son invocation et par conséquent, elle est morte. Elle est devenue aveugle et elle est tombée dans un puits et elle est morte. Et ça fait partie des karamat, des awliya. Un autre exemple, Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne l'exemple de Al-Ala ibn al-Hadrami. Wa kana 'amila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam 'ala al-Bahrain. Wa kana yaqulu fi du'a'ihi: Ya 'Alim, ya Halim, ya 'Ali, ya 'Azim, fayustajabu lah. Da'a Allah بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب. دعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم، فمر كلهم على الماء وما ابتلت سروج خيولهم. دعا الله أن لا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد. Donc, un autre exemple ici de karamat, c'est l'exemple de Al-Ala ibn al-Hadrami, qui était celui que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait employé pour être le gérant, le gouverneur de Al-Bahra, une région de l'époque qui s'appelait Al-Bahrain. Et je crois que Al-Bahrain, c'est pas la région que aujourd'hui on appelle Al-Bahrain. Parce qu'il y a une île aujourd'hui qu'on appelle Al-Bahrain dans le Golfe. Et c'est pas la même place que Al-Bahrain de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Al-Fawzan il va l'expliquer ça de toute façon. Donc, yani, ce sahabi, Ala Al-Hadrami, une de ses particularités, c'est que lorsqu'il faisait un dua, il disait, il invoquait Allah par différents noms. Il disait, « Ô Alim, ô Halim, ô Ali, ô Azim. » Et Alim, c'est l'omniscient. Halim, c'est celui qui est doux, compatissant. Ali, c'est celui qui est élevé, qui est très haut. Et Azim, c'est celui qui est grand, qui est immense, le très grand. Donc, il invoquait Allah. Et lorsqu'il invoquait Allah et qu'il disait, dans cette invocation, il implorait Allah par ces noms-là, et Allah subhanahu wa ta'ala l'exauçait. Et une fois, il n'avait pas d'eau, et il a invoqué Allah justement pour qu'il ait de l'eau pour boire et pour faire les ablutions, le wudu, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé. Ensuite, une fois, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala lorsque ils étaient en ils sont arrivés devant un endroit où ils ne pouvaient pas traverser avec leurs chevaux, et ils devaient traverser une mer, hein, il devait traverser une mer ou une grande masse d'eau. Il devait traverser parce que il devait aller l'autre côté, l'ennemi était l'autre côté, et puis il devait traverser, et il pouvait pas traverser. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont tous traversé cette rivière ou bien cette mer avec leurs chevaux. Ils ont marché sur l'eau, et même les chevaux n'ont même pas été mouillés, les sabots des chevaux n'ont même pas été mouillés. Et un autre exemple aussi qu'il a mentionné, c'est que lorsqu'il est mort, il a invoqué Allah pour qu'on ne voit pas son corps lorsqu'il meurt. Et donc quand il est mort, on n'a pas trouvé son corps dans la terre. On n'a pas trouvé. On l'a pas vu. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique les points à propos de ça. Il dit que Al-Ala ibn al-Hadrami, radiyallahu anhu, kana amilan lil-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala al-Bahrain. Yani al-Ahsa, li'anna al-Ahsa كانت في ذلك الوقت تسمى البحرين، وكان يدعو بهذا الدعاء فيستجيب الله له، وهذا من كرامات الأولياء. وكذلك من كراماته رضي الله عنه أنهم لما فقدوا الماء وأشرفوا على الهلاك دع الله فاستقاهم فاستقى لهم فسقاهم فسقاهم الله ولما حال البحر دونهم دع الله سبحانه وتعالى أن يمشي الخيل على البحر فمشت ولم تبتلي سرج الخيل وهذا من كرامات الأولياء ورفعه الله سبحانه وتعالى أجاب الله دعوته. Donc ici le cheikh il mentionne que Al-Ala al-Hadra ibn al-Hadrami radiyallahu anhu, c'était un employé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était gouverneur dans la région de Al-Bahrain. Et il dit que Al-Bahrain, c'est pas Al-Bahrain qu'on connaît aujourd'hui, mais plutôt Al-Bahrain, c'était un endroit qu'on appelle Al-Ahsa. Al-Ahsa. Cette région de Al-Ahsa, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait Al-Bahrain. Et il faisait cette invocation et Allah subhanahu wa ta'ala l'exauçait. Ça fait partie des karamas des awliya. Lorsqu'ils n'avaient pas d'eau, hein, et qu'ils étaient dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, ils étaient proches de la mort, alors ils ont invoqué Allah et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de l'eau. Hein. Et une autre fois aussi, ils étaient bloqués par l'océan, ou pas l'océan, mais la mer. Hein. Et donc, ils voulaient traverser, mais ils ne pouvaient pas. Alors, il a fait l'invocation pour que les chevaux puissent marcher sur l'eau. Et les chevaux ont marché sur l'eau, et ils n'ont même pas mouillé leurs sabots. Hein. Et ça fait partie des karamats des awliya. Et un autre exemple aussi, c'est lorsqu'il a... Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que son corps, lorsqu'il meurt, qu'on ne voit pas son corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala a élevé justement son corps lorsqu'il est mort et les gens ne l'ont pas vu. Hein? Donc ça fait partie des exemples des karamas, des awliya. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah on va continuer avec d'autres explications et d'autres exemples de karamat. Au prochain cours, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.